L'année du chagrin. La mort d'Abu Talib. Au mois de Rajab, de la 10e année de la mission prophétique, Abu Talib tomba malade et il mourut 6 mois après la fin du blocus. D'après une autre version, Abu Talib rendit son dernier soupir au mois de Ramadan de cette année-là, 3 jours avant la mort de Khadija, radiallahu anha. D'après Al-Musayyib, le prophète alayhi salatu wassalam est entré dans la pièce où Abu Talib était allongé, mourant, alors qu'Abu Jahl et Abdullah, fils d'Abu Umayya, s'y trouvaient déjà. Il demanda à son oncle « Mon oncle, atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu. C'est une parole qui me permettra d'intercéder en ta faveur auprès de Dieu. » Abu Jahl et Abdullah, fils d'Abu Umayya, dirent alors à Abu Talib « Abandonnerais-tu la religion de Abdul Muttalib ?» Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne cessa ensuite de solliciter son oncle avec la même demande pressante. Mais Abu Jahl et Abdullah, fils d'Abu Umayya, réitérèrent à chaque fois la même question, jusqu'à ce qu'Abu Talib prononça cette phrase « Je reste fidèle à la religion de Abdul Muttalib ». Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit alors « Je jure par Dieu que je ne cesserai de demander pardon pour toi tant que cela ne me sera pas défendu par Dieu ». Le verset suivant fut alors révélé par Dieu, selon le sens du verset. « Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. » Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Sourate 9, verset 113. Et également « Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. » Tu, Muhammad, ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Sourate 28, verset 56. De son vivant, Abu Talib fut un véritable pilier protecteur pour la prédication islamique contre les assauts des notables et des sots. Mais il persista dans la foi de ses aïeux, ce qui l'empêcha de récolter le plein succès auprès de Dieu. Nous lisons dans le Sahih qu'Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib, a rapporté qu'il a dit au prophète alayhi salatu wassalam « Tu n'as été utile en rien à ton oncle, bien que par Dieu lui t'a toujours protégé et s'est mis en colère pour te défendre. » Le prophète alayhi salatu wassalam a alors dit « Il est dans un feu très peu profond, et si je n'avais pas intercédé pour lui, il se serait retrouvé au fond de l'enfer. » Abu Sa'id al-Khudri a rapporté qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, lorsqu'on lui parla de son oncle, « J'espère que mon intercession lui sera profitable et qu'il sera soumis à un feu qui ne s'élèvera pas plus haut que ses talons. »